Ok, donc on va passer donc à la prédication. C'est vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire comme message que je vais vous partager aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment va vous permettre de découvrir la puissance de Dieu d'une manière beaucoup plus complète. Parce qu'on a une conception de la puissance de Dieu qui n'est pas mauvaise, hein, mais qui est incomplète. Et c'est la raison pour laquelle on ne voit pas ou peu la puissance de Dieu. Parce qu'on a une conception qui n'est pas complète. Tout comme, vous savez, on n'avait pas jusqu'alors une vision complète de l'amour de Dieu. Vous savez, quand on parle du mot amour, nous, on utilise ce mot amour pour parler aussi bien de l'amour qu'on peut avoir à l'égard d'un ami, comme c'est le même mot que quand on parle de l'amour qu'un couple peut avoir l'un pour l'autre. Et c'est pourtant pas la même chose, hein. On fait avec son conjoint des choses qu'on ne fait pas avec son ami, normalement, voyez? Donc, pourtant, c'est le même mot qui est utilisé, mais dans la Bible, le mot amour, il y a quatre caractéristiques, on peut les voir maintenant. Ah, ben, je ne les ai pas mises. Je vous l'ai dit, c'est agapé. Quand la Bible parle de l'amour, elle parle de agapé, philéo, storgé ou éros. Et ça a été traduit dans la Bible à chaque fois par le même mot amour. Mais quand dans la Bible il est parlé de agapé, là c'est l'amour, ça parle de l'amour inconditionnel de Dieu. Quand il est parlé de philéo, ça parle de l'amour fraternel, de l'amitié. Quand on parle de storgé dans la Bible, ça parle de l'amour familial. Et quand on parle de éros, ça parle de l'amour sentimental et sexuel. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Dans la Bible, ces quatre aspects de l'amour sont présents. Parfois, la Bible parle de Eros, elle parle de Storgé, elle parle de Philo ou d'Agapé. Mais nous, dans notre traduction française, ces quatre définitions, on les a remplacées par amour. Maintenant, on sait que, parce qu'on a beaucoup, dans l'Église, on a beaucoup enseigné sur l'amour, et les gens savent que ben, quand on parle de Agapé, c'est pas pareil que Eros. Et quand on parle de Philo, c'est pas pareil que Storgé. Okay? Mais le même problème existe pour le mot puissance. On a traduit le mot puissance à chaque fois de la même manière, alors que dans la Bible, il y a cinq, je dirais, caractéristiques bien différentes, bien distinctes l'une de l'autre. Et c'est en, vous savez, c'est quand vous faites une recette, s'il manque un ingrédient, vous n'allez pas pouvoir réussir votre recette. Et si vraiment on veut avoir une démonstration de la puissance de Dieu, comme la première église primitive l'avait, ben, il nous faut considérer la puissance de Dieu de manière équilibrée et complète. Donc, je vais citer, puis après on aura le PowerPoint, je vais citer rapidement les cinq définitions de la puissance de Dieu. Tout d'abord, il y a dunamis, qui se traduit par puissance. Il y a exousia, qui se traduit par autorité. Il y a kratos, qui se traduit par domination. Il y a énergia, qui se traduit par énergie. Et il y a ischus, qui se traduit par force. Vous voyez, donc on a plusieurs. La puissance de Dieu va se manifester de cinq manières totalement différentes. Donc on va voir ensemble Matthieu 10, verset 7. Dans Matthieu 10, verset 7, Jésus dit quelque chose d'assez particulier à ses disciples. Il leur dit: Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Jésus demande à ses disciples de dire le royaume des cieux est proche. Pourquoi Jésus insiste sur le fait que le royaume de Dieu est proche? Ben, tout simplement parce que nous sommes, vous êtes, vous et moi, les disciples étaient les représentants du royaume de Dieu. Les disciples portaient le royaume de Dieu en eux. Et lorsqu'il s'approchait des gens, ben forcément le royaume de Dieu s'approchait. Voyez? Et nous sommes aussi porteurs de la puissance du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu est proche tout simplement parce qu'en tant que représentant du royaume de Dieu, on l'amène où que nous allions. Vous amenez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est où? Il est là. Il est prêt à se manifester, il est là où vous allez en fait. 1 Jean 4, verset 4 nous dit: Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, vous voyez, c'est une vérité qui a le pouvoir de vous rendre confiant. C'est un message précieux parce que ça peut déverrouiller les cœurs de la peur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le royaume de Dieu est en nous. Lorsque vous êtes conscient de l'autorité qui vous habite, ben la peur n'a plus de place en vous. La peur de l'homme, elle devient étrangère pour vous. Parce que vous comprenez que lorsqu'on croit cette vérité, votre seule présence dans un lieu peut changer l'atmosphère. Pourquoi ? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une invitation à réaliser que le royaume de Dieu, souvent on dit « Ah mais c'est le ciel, il faut aspirer au ciel ». Et Jésus dit « Hey, celui qui est en vous, il ne dit pas celui qui est au ciel ». Là, du coup, s'il avait dit « Celui qui est au ciel est plus grand que celui qui est dans le monde », il aurait fallu effectivement qu'on prie et qu'on demande au ciel de venir sur la terre. Mais là, il dit « Non, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Donc, il y a une force, il y a un potentiel en nous de changer les atmosphères des lieux où nous allons. Parce que nous portons le royaume de Dieu en nous. Et c'est cette habitation, vous voyez, de Jésus à l'intérieur de nos corps, notre pensée, et de notre esprit, fait de nous comme c'est comme si vous étiez une incarnation du royaume de Dieu sur terre. Partout où vous allez, vous incarnez le royaume de Dieu sur terre. Et d'ailleurs, Jésus insiste là-dessus dans Luc 17, versets 20 à 21, quand on lui dit, on lui pose des questions sur le royaume de Dieu. Et écoutez bien ce qu'il dit. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu ? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voyez, donc, notre conception du royaume de Dieu, c'est de dire « ah, il faut aller à la conférence là-bas, oh, il faut aller peut-être à Bethel, ou il faut aller dans telle église, parce que le royaume de Dieu... » Jésus dit « non, c'est pas une question de lieu, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Jésus nous invite à changer de mentalité et de réaliser tout le potentiel qui est déjà placé en nous. Et c'est dire, ah, mais moi, je vis pas pleinement ma foi comme je voudrais, donc j'ai besoin de plus de Dieu. Non, tu as juste besoin de développer le potentiel qui est déjà en toi. C'est comme quand on achète un meuble à Ikea. Ton meuble, potentiellement, tu l'as. Il faut juste le monter. Et il faut juste passer du temps et suivre les instructions pour le monter. Mais tout le potentiel est déjà en nous. Et un autre exemple que j'aimerais vous donner concernant cette conscience du royaume de Dieu qui est en nous, Paul reprend dans la Bible cette même image et lui, il parle du parfum. Je ne sais pas si vous utilisez du parfum, j'espère que oui. Mais on a tous du parfum, vous savez. Et moi, il y a des gens, j'ai des amis qui mettent soit des parfums assez forts, qui en mettent beaucoup. Et vous ne les voyez pas, mais vous sentez. Ah, il est là. Vous savez, ils sont là, ah, c'est... puis des fois, il y a certains parfums, on reconnaît. Ah, Fahrenheit, Kenzo, vous voyez, on reconnaît le parfum. Et parce que certaines personnes mettent ce parfum, ils en mettent beaucoup, parce que ce parfum vous plaît et vous le reconnaissez. Et Paul nous dit la même chose, il nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous. C'est pas qu'il répand lui tout seul, non, par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Il y a une odeur, vous voyez, le royaume de Dieu est vraiment en nous. Nous avons cette capacité, que tu le veuilles ou non, il y a une odeur, une bonne odeur. Mais tu dis, non, moi je sens rien. Si, tu sens le royaume. Et tu dis, oh, mais ça ne marche pas. Oui, parce que tu ne l'as pas activé. Tout ce qui concerne le royaume est activé par la foi. Jésus dit, il vous sera fait selon votre foi. Si tu crois que tu portes l'odeur du royaume, elle va commencer à se manifester dans tous les lieux. Parce que, regardez, Dieu, il ne répand pas l'odeur, le parfum du royaume tout seul. Il n'est pas dit qu'il répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Non, qu'il répand par nous. C'est Dieu qui répand l'odeur du royaume de Dieu, mais c'est par nous qu'il le fait. voyez, c'est pas lui à titre personnel qui le fait, mais c'est au travers de nous que l'odeur du royaume de Dieu se manifeste. Il le fait par nous, et j'insiste sur en tout lieu. C'est pas juste le dimanche matin où le parfum du royaume de Dieu se manifeste. C'est aussi encore une grave erreur de l'Église évangélique. C'est en tout lieu. En tout lieu, dans une boulangerie, au supermarché, chez vous, quel que soit, au boulot, quels que soient les lieux, en tout lieu, lorsque nous sommes dans un lieu, puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, lorsqu'on commence à croire, à s'attacher à cette vérité, vous allez commencer à voir le royaume de Dieu, l'odeur du royaume de Dieu se répandre, parce que vous le vouliez ou non, on dit, ah ben non, tu ne peux pas contredire, c'est une vérité, ce n'est pas une promesse, hein. Oui, peut-être à force de sanctification, tout ça, tu vas peut-être un jour véhiculer l'odeur du royaume de Dieu. Non, c'est une vérité. Tu es déjà. Il y a déjà cette odeur. Par contre, mais tu dis, mais pourquoi je ne la vois pas assez? Parce que il faut juste maintenant que tu le sais, il faut que tu actives. Quand tu vas rentrer dans les prochains lieux, quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas être en contact de tes collègues de travail lundi ou de tes amis au collège ou au lycée, eh ben tu dis « Hey, je sais que j'ai cette vérité. Je sais que je suis porteur, porteuse de l'odeur du royaume de Dieu. Alors vas-y, Saint-Esprit, on y va, on influence. Allez, donne-moi des pensées. Manifeste, répands ton odeur. T'es, oh, on sent. » Et ça, c'est une des clés à laquelle je vous invite d'entrée. Par contre, si je peux avoir quelqu'un peut m'apporter un petit verre d'eau, ça serait super. Donc, on va voir maintenant, on va terminer, il me reste 10 minutes, pour citer ces cinq, vous familiariser, et vous allez voir, il y a une particularité, une spécificité de la puissance de Dieu à laquelle vous allez accrocher. Ah mais ça, des fois on dit, ah moi j'aime pas trop la puissance de Dieu, parce qu'on a une image de la puissance de Dieu qui n'est pas fausse, hein, mais qui est juste limitée. Merci beaucoup Naomi. Donc la première spécificité de la puissance de Dieu, c'est le mot dynamis. Donc là on parle de la puissance miraculeuse. Mais vous recevrez une puissance. Là, il dit, vous recevrez une dynamis. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, il est parlé d'une puissance, une dynamis. Il s'agit de la faculté de Jésus d'accomplir des miracles. Et Jésus dit, vous recevrez ça. Le dynamis, c'est à notre disposition pour accomplir au nom de Jésus des miracles, réaliser des percées et des guérisons. Et vous savez, quand ça arrive, quand vous commencez à croire ça, j'ai cette odeur, je porte ça en moi. Quand vous commencez, au début, quand vous commencez à exercer dans le dynamis, ça fait bizarre. On est étonné. Et vous voyez, c'est ce qui est arrivé aux disciples. Jésus leur dit, allez-y. Ils sont là, et c'est la première fois qu'ils vont prier. Peut-être pour vous, vous n'avez jamais prié pour les besoins des gens. Et eux, c'est la première fois qu'ils vont prier pour les besoins des gens. Et il y a toutes sortes de miracles, de guérisons, de délivrances. Le dynamisme se manifeste. Ils ne l'ont jamais vu, comme vous. Moi, je me souviens, les premières fois que j'ai vu des guérisons, ça me choquait. Je vous ai raconté cette dame qui a été guérie de ses vertèbres avaient été cassées, elle a enlevé sa minerve. J'ai dit, non, moi-même, j'étais incrédule, n'enlève pas ta minerve. Puis elle faisait ça, elle était guérie. Moi-même, je dis, oh, mais c'est ça alors. J'étais étonné, mais je m'attendais pas en priant pour elle qu'elle soit guérie. J'ai prié par compassion. Oh la pauvre, elle me demande la prière, je suis pasteur, je prie. J'étais surpris qu'elle soit guérie. Vous voyez, j'avais même pas la foi qu'elle soit guérie. Mais elle a été guérie. Parce que je suis porteur de cette odeur. Que je le veuille ou pas, je dis, oh non, je veux pas la puissance. Ouais, mais, donc, ok Greg, mais je l'ai. Après, si je la veux pas, elle va pas se manifester. Mais si je commence à dire, hey, Jésus leur a dit, allez-y. Allez prier. Ils étaient tout gênés. Ah, parce que pendant 3 ans, c'est Jésus qui faisait les miracles. Puis là, ils n'avaient jamais prié pour les gens. Et ils reviennent, ils disent, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous voyez, ils sont étonnés. Ils disent, ça alors, ils ont joué avec l'onction, ils ont joué avec la puissance de Dieu. Parce que c'est la première fois qu'ils réalisaient qu'ils avaient donc la puissance en eux. Vous savez, on parle du réveil en Argentine, c'est un pays qui a vécu un formidable réveil, et c'est basé uniquement, ce réveil est basé uniquement sur le fait que tous les chrétiens, dès que tu deviens chrétien là-bas, dès que tu deviens membre de l'Église, on te conduit à prier pour les besoins des gens. systématiquement. Quel que soit, tu es chrétien, tu pries. Quand les gens disent « Ah, j'ai mal. Ah, je suis triste. Ah, je suis en colère. Ah, je suis découragé. » Quel que soit le besoin, dis, je peux prier. C'est systématiquement. Alors, soit je peux prier pour toi en direct, ou soit ils le font, ils se voient dans les groupes connexion toutes les semaines et ils disent « Ah ben tiens, moi j'ai rencontré, j'ai trois amis là qui m'ont parlé de leurs besoins, comme Katia l'a fait, on a prié pour Monique. » Et là les gens à 3, 4, 5, 6 prient pour les besoins. C'est comme ça que le réveil en Argentine s'est fait. Je peux vous parler de M. Alvarez. Alvarez, c'était un riche propriétaire, très très riche propriétaire de bovins. En Argentine, vous savez, il y a des taureaux là-bas en Argentine. Mais vraiment quelqu'un qui ne croyait pas, qui n'était pas du tout un croyant. Son troupeau a eu un virus. Il avait même des bêtes qui gagnaient des concours. Vous voyez, parce qu'il avait des super taureaux. Pour lui, c'était comme c'est. Il était vraiment très triste. Très opposé à l'évangile, mais là il était triste parce que c'était vraiment son. Pour lui, c'était comme des presque. Vous savez, des fois on s'attache aux animaux plus qu'à des êtres humains parce que les animaux sont vraiment fidèles. Et cet homme était vraiment malheureux, hein, vraiment opposé à Dieu, mais malheureux pour ces bêtes qui, les unes après les autres, mouraient. Et donc, c'est simplement des amis chrétiens qui lui ont dit : est-ce qu'on peut prier pour les bêtes ? Il dit : ah oui, bien sûr, il était désespéré. Et donc, ils ont juste des chrétiens, pas des pasteurs, des chrétiens, des amis, des voisins à M. Alvarez ont imposé les mains aux bêtes parce que c'était condamné par la médecine, par les vétérinaires. Et le lendemain, totalement guéri. Alors que les autres troupeaux de ses collègues ont été décimés, les siens ont totalement été guéris. Et cet homme a dit « Waouh ! Je crois à l'amour de Dieu. » Parce qu'il a vu la puissance de Dieu se manifester et il a donné sa vie à Jésus. Vous voyez, c'est pas le fait de lui bassiner le message de l'évangile qui a touché le cœur de M. Alvarez, mais c'est le fait que Dieu réponde à un besoin qui nous paraît pas très spirituel. Mais souvent les gens, vous savez, s'ouvrent aux besoins spirituels quand leurs besoins naturels sont... Jésus a toujours fait comme ça. D'abord, il s'occupait des besoins naturels des gens. J'ai mal ici, j'ai un bobo là. Et après, ils étaient guéris, ils étaient étonnés. Et là, ils se posaient des questions sur leurs besoins spirituels. Et nous, on veut souvent faire le contraire. Vous voyez, on veut que les gens se posent des questions. On veut répondre aux besoins spirituels des gens. Mais les gens ont des besoins de couple, de relations, de finances, toutes sortes de besoins émotionnels, physiques. Il faut d'abord répondre à ces besoins-là par le dynamis. Deuxièmement, exousia. Tu peux passer. Exousia, c'est l'autorité. Dans Luc, verset 19, vous avez ce texte qui nous parle ici de l'exousia. Voici, je vous ai donné le pouvoir, ou autrement dit, l'exousia, ça veut dire donc l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, surtout le dynamis de l'ennemi. Là, le mot puissance, c'est le mot dynamis. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, l'exousia, c'est quoi ? L'exousia, c'est une dimension donc d'autorité. C'est un peu comme l'autorité, c'est plus fort que la puissance. Je vous ai parlé au tout début de cette série. Imaginez par exemple que quand un 38 tonnes, un semi-remorque arrive sur la route, il est lancé à 100 km/h, puis il y a un gendarme qui fait ça, le poids lourd a plus d'autorité. De puissance, pardon. Le poids lourd a plus de puissance que le gendarme, mais pour autant, le gendarme lui a l'autorité. Et un simple signe de sa main fait que toute cette puissance s'arrête. Vous voyez, donc l'autorité est plus forte ici que la puissance. Mais certaines personnes, on a beaucoup de problèmes dans le monde évangélique avec l'autorité parce que beaucoup de personnes ont peur de recevoir cette autorité parce qu'elles s'imaginent que recevoir ou exercer l'autorité, ça doit être accompagné de toutes sortes de signes bizarres. Rire, tomber par terre, parler en langue. Et il y a beaucoup de milieux, pleurer, tomber. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas recevoir cette puissance parce qu'ils se disent « je veux pas qu'il m'arrive des trucs bizarres ». Mais regardez, quand dans Luc verset 19, quand Jésus transmet cette exousia, ce pouvoir, les disciples ne manifestent pas. Il y a pas de, il tombe pas, il rit pas. Il y a pas de manifestation physique, voyez, liée à la réception de cette puissance. Imaginez par exemple un homme d'affaires. Comment s'exerce l'exousia? Imaginez quelqu'un qui est dans les affaires et qui prépare sa réunion avec ses collègues. C'est une réunion importante, il a besoin de convaincre, il a besoin d'être conduit, d'être aidé par Dieu. Quand il va prendre sa réunion, imaginez qu'il commence sa réunion avec ses collègues de travail et puis qu'il commence à faire shadabadabadabada, shadabadabada, ouf, ah, i, oh, vous voyez. Et donc, ça va, ses collègues vont dire, mais il est fou, vous voyez. C'est pas de ça dont il a besoin. Par contre, il a besoin de l'autorité qui va se manifester par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par la puissance de Dieu dans cette réunion. Et donc les cinq puissances, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, elle n'est pas juste réservée à l'Église, elle doit se manifester partout, dans nos lieux de travail, avec nos collègues, nos amis, et puis c'est pas accompagné de manifestations bizarres. Les disciples n'ont pas manifesté de manière bizarre quand ils ont reçu l'autorité. D'ailleurs, celui qui a eu des manifestations bizarres, c'est pas les disciples, c'est Jésus. Parce que regardez, Luc 10, verset 21, donc au verset 20, on l'a vu tout à l'heure, il disait, hey, Jésus, même les démons nous sont soumis à ton nom. Et là, il est dit, à ce moment-là, même Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Donc presque, vous voyez, celui qui a eu une manifestation, ce n'est pas les disciples, mais c'est Jésus. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, voyez, l'autorité de Dieu, elle n'a pas besoin de elle ne se manifeste pas avec des trucs bizarres. Paul Goulet, quelqu'un qui exerce beaucoup l'exousia, et j'ai pu discuter avec lui de longs moments à ce sujet. Et par exemple, vous voyez, quand ses enfants voulaient acheter un bien immobilier, il a deux de ses enfants qui sont agents immobiliers, enfin son gendre et sa fille. Et ils ont, en tant qu'agents immobiliers, ils ont négocié le prix de la maison et ils n'ont pas obtenu de remise. Deux fois, trois fois, quatre fois, ils ont insisté. Puis à la fin, ils ont dit, bah, écoute, papa, toi avec ton autorité, vas-y, appelle le propriétaire. Et Paul Goulet a juste appelé au téléphone et il a juste proposé exactement la même somme que les enfants proposaient depuis des mois et des mois, sauf que là, ça a été accepté. Vous voyez ? Et donc ça, c'est l'exousia. C'est-à-dire, hey, en tant que croyant, nous avons une autorité. Et elle l'est déjà en vous. Je ne peux pas prier, ah, je vais prier pour que je vais m'avancer à l'appel tout à l'heure pour que cette autorité, je puisse la recevoir. Tu l'as déjà. C'est juste que c'est comme les muscles, hein. Il faut maintenant l'exercer. Plus tu vas exercer cette autorité, plus tu vas la voir se manifester. Il nous racontait quand on était à Las Vegas au mois de janvier avec l'équipe, là, que Dieu leur dit d'acheter un bâtiment à Prairie Mountain, c'est un joli bâtiment, pour en faire une église, mais le bâtiment était à vendre à 7,5 millions de dollars, et il avait ça. Donc, il appelle le propriétaire, et à chaque fois qu'il appelle le propriétaire, il faisait une offre plus basse que la précédente. Vous voyez, en général, c'est le contraire. On dit, bon, on démarre, vous en voulez 7 millions, je vous offre 4. Le gars, il dit non. Bon, alors 4,5. Il dit non. Bon, vous dites 5. Lui, c'est le contraire. Oh, il disait, écoutez, je vous offre 5. Non, non, non, non, non, 7 millions. Il rappelle, écoutez, je vous offre 4. Non, non, non, non, non, j'ai dit 7. Je vous offre 3. Vous voyez ? Et il exerçait l'exousia. Et en fait, ils ont eu c'est 2,5 ou 3,5 ? Je ne me rappelle plus. 3,5. Ils l'ont eu à 3,5. 3,5 millions. Ce bâtiment qui valait 7,5 millions. Vous voyez ? Et il n'avait toujours pas l'argent. Hein. Il dit maintenant que vous avez le bâti, je vous fais ce prix, trouvez l'argent en 24 heures. Et en 24 heures, entre les croyants qui ont donné, entre les hommes d'affaires qui ont prêté, et puis les banques, ils ont pu acheter un bâtiment 3,5 millions qui en vaut 7,5 en fait. Donc ça, vous voyez, tout simplement parce que Paul Goulet est conscient de l'exousia et il l'exerce. Troisième, l'énergia. L'énergia, donc, c'est l'énergie divine. Colossiens 2, verset 12 nous dit « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, en l'énergia de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. » Vous voyez, là, ce n'est pas le dynamis qui a ressuscité Jésus des morts, ce n'est pas l'exousia, l'autorité, c'est l'énergia, la puissance de Dieu. Nous, on l'a traduit par puissance, mais la Bible dit, utilise le mot énergia ici. Donc, l'énergie de Dieu. Si vous êtes parent ou si vous êtes grand-parent, vous devez comprendre, ou si vous êtes maîtresse, vous devez comprendre qu'on a vraiment besoin d'énergie. C'est quoi l'énergie? Quand on a des enfants ou des petits-enfants, on a vraiment besoin d'énergie. Et donc, l'énergie divine, elle nous est partagée afin de nous assister dans l'accomplissement des missions particulières que Dieu nous confie. On retrouve l'énergie divine. Par exemple, dispenser dans les moments de prière ou dans la louange. Par exemple, quand on a chanté, c'est Run to the Roar, mais je sais pas, en français c'est quoi ? Cours dans le rugissement. Oh, oui. Moi j'étais en train de filmer pour envoyer en fait à l'équipe de Las Vegas. Moi j'ai senti l'énergie. Vous voyez ? C'est quand on dit ah, j'ai senti la présence de Dieu. On a prié, puis on a chanté. Alors, vous savez, des fois, on dit ça, « Ah, j'ai senti la présence de Dieu. » Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est énergie. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'autorité, mais c'est l'énergie divine. Et on a un exemple, je l'ai mis. Un exemple de l'énergie divine, c'est cette femme, vous savez, dans Marc 5, versets 28 à 30, elle souffrait d'une perte de sang, et elle dit, « Si je m'approche de Jésus, je le touche, je vais être guérie. » Et donc, c'est ce que vous connaissez l'histoire, elle s'approche de Jésus, elle touche le bord de son vêtement et elle est guérie. Mais à un moment donné, Jésus dit, « Hey, il y a une force, il y a une puissance qui est sortie de moi. » Et ça, c'est l'énergie. Jésus a senti, pouf, une présence, il a senti une force qui est partie. Et c'est ce que vous pouvez aussi expérimenter, vous aussi, de sentir la présence de Dieu. Mais vous pouvez aussi apprendre quand vous allez commencer à dire « Hey, j'ai ça déjà en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai déjà en moi, sur moi, l'odeur de Christ. Et donc, il y a déjà en moi l'énergie. » Et vous rentrez dans un lieu, vous discutez avec des gens, vous les écoutez parler, et vous sentez cette onction qui est sur vous peut venir sur eux. J'ai plein de témoignages comme ça, où j'ai un ami qui était dans une réunion avec que des francs-maçons, c'est un prophète, et une franc-maçonne, je ne sais pas si on dit franc-maçonne, qui opérait dans un très très haut niveau. Je ne peux pas dire dans quelle région de France, mais quelqu'un qui était vraiment dans la sorcellerie, elle disait, mais il y a une aura, il y a quelque chose sur... Elle ne savait pas qu'il était prophète et chrétien, et elle était même gênée et en infériorité par rapport... Elle disait, une énergie. Les gens qui sont dans le New Age, souvent, vont dire, hey, vous sentez l'énergie ? Et Paul Goulet me racontait l'histoire un jour, parce qu'il était dans un magasin de bio, et puis il priait. Il priait pour une personne et à un moment donné, la personne a dit « Oh, vous avez senti ça ?» Et elle ne sait pas qu'il était pasteur. Mais la personne, très sensible, vous savez, dans ces milieux de New Age, on est très sensible à l'énergie. Donc Paul a dit « Oui, j'ai senti ça. » Et il a pu tout de suite dire, vous savez, c'est l'énergie de Dieu, c'est l'énergie divine, je porte la puissance de Dieu. Il a commencé à, vous pouvez aussi recevoir, vous savez, c'est Paul qui dit que l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et les gens disent, waouh, ces gens sont très sensibles, les gens qui sont dans le New Age sont très sensibles à la puissance de Dieu. Et on a cette énergie en nous. Quatrième, Kratos, c'est la domination. Acte 19, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous voyez, là il est parlé de la domination. Là le mot puissance, c'est la domination. C'est-à-dire que la parole du Seigneur, l'évangile, il y avait croissait en domination. Ce n'est pas juste quand les églises, dans le Nouveau Testament, Acte des Apôtres, les églises se développaient, pas uniquement avec des signes, des prodiges, la puissance de Dieu, les guérisons, les démons qui étaient chassés, mais il y avait aussi la domination. Donc là, c'est quoi ? Ça nous parle de l'influence dans la société. Le Kratos, c'est la puissance qui nous aide à influencer les royaumes de ce monde. Le Kratos, La domination, c'est par exemple, peut se manifester pour quelqu'un qui est impliqué dans les médias, quelqu'un qui est impliqué dans une association, quelqu'un qui est impliqué dans les œuvres de compassion dans une ville, quelqu'un qui est impliqué au niveau politique, quelqu'un qui est impliqué au niveau de l'éducation, quelqu'un qui est impliqué dans toutes sortes d'associations. Vous êtes porteur du Kratos, la domination, c'est-à-dire le royaume de Dieu, les valeurs, les principes du royaume de Dieu qui se manifestent. Les gens ne vont pas tomber par terre, il ne va pas y avoir des guérisons physiques, mais les valeurs, les principes du royaume de Dieu commencent à influencer le lieu où vous êtes. Jude 1, verset 25 nous dit « À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, donc Kratos, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Nous connaissons quelqu'un à Las Vegas il y a 7 ans. J'ai déjà parlé de lui, il s'appelle John Ponder. Et bientôt, je pense qu'on va traduire son programme. C'est un gars qui était un tueur, un trafiquant. Il était en prison, multirécidiviste. Et je fais court, il rencontre Jésus. Il va à l'église de Paul Goulet et on lui enseigne là-dessus. Puis il dit, ben moi j'ai à cœur d'exercer le Kratos. Pas forcément de prier pour les malades, mais Kratos, ça me parle. Et ce que Dieu a fait pour moi, je suis sorti de la prison, je suis sorti de la violence, je ne suis plus un multirécidiviste. Je voudrais créer un programme pour les autres prisonniers de Las Vegas. Et il crée un programme, et première année, 70% de taux de réhabilitation. Donc la ville s'intéresse à son programme. Il lui dit, écoute, on vous donne de l'argent pour que vous utilisez ce programme qui est chrétien dans toutes les prisons du Nevada. Et il le fait, et là, ils sont à 90% de taux de réhabilitation. Ce qui fait que le gouvernement américain dit, « Hey, on vous invite à Washington, on ne comprend pas comment vous faites, parce que nous, on est à 23 ou 30% de taux de réhabilitation, et vous êtes à 90%. » C'est miraculeux. Et il dit, « Mais Kratos, Dieu m'a donné... » Paul Goulet dit « craquer le code ». Vous savez, c'est comme si vous craquez le code, Dieu révèle des idées. Il y a des idées, vous savez, il y a des gens qui ont inventé Airbnb. « Ah, quelle bonne idée !» Et ils sont très très riches. Il y a des gens qui ont inventé, je sais pas, il y a d'autres sites, Blablacar. Et puis aujourd'hui, ils sont très très riches. YouTube, toutes sortes de choses. Et il y a encore plein d'idées au ciel. Il y a encore plein de... Ça, c'est Kratos. Et de juste dire, il faut juste demander à Dieu, je veux pour les réfugiés, pour les prisonniers, pour les hommes d'affaires, pour les enfants, pour le milieu du sport, pour le milieu des médias, pour le milieu du cinéma, j'ai besoin de Kratos. Parce que la puissance de Dieu se manifeste pas avec uniquement des guérisons physiques. C'est le problème de l'Église évangélique, on s'est limité uniquement au dynamis. On n'a pas enseigné Kratos. Et on a au mieux, nous, dans nos rangs, des gens qui ne sont peut-être pas appelés à utiliser Dunamis, mais qui sont appelés à utiliser Kratos, comme cet ami John Ponder, qui a donc pondu ce programme que j'aimerais traduire pour le mettre à diffusion en France. Et enfin, le dernier, Iscus, qui est la force. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force, l'iscus que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, qu'est-ce que l'iscus ? Ça se manifeste lorsque nous sommes, par exemple, découragés. Lorsqu'on est dans des moments de détresse, de découragement ou de faiblesse ou de fatigue. Physique, spirituel ou émotionnel. Et là, c'est l'iscus. On invoque l'iscus, la puissance de Dieu. C'est pas juste pour des miracles, mais la puissance de Dieu pour aussi, c'est l'iscus. Donc, vous êtes dans la détresse, vous êtes fatigué, vous êtes découragé physiquement, spirituellement. Vous avez cette odeur. Des gens de votre entourage sont fatigués physiquement, spirituellement, sont dans la détresse, sont éprouvés. Vous pouvez communiquer l'iscus. Et Éphésiens, c'est Josué 1, verset 9. Il n'y est pas ? Ok, donc je ne l'ai pas mis. Alors je vous le cite. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. C'est avant de conquérir le pays promis, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi. Et là, il est parlé de la force, de l'iscus. Et dans Éphésiens 6, versets 10 à 11, vous savez, ça nous parle du message que Josué 1, verset 9. Et Éphésiens 6, versets 10 à 11, c'est le texte sur lequel Solange a prêché les armes de Dieu. Mais avant de parler de la description des armes, il est dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc là, il est parlé de la force toute-puissante, l'iscus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc l'iscus, c'est aussi une force pour le combat spirituel. Lorsqu'on est face à des attaques spirituelles, c'est l'iscus. On ne demande pas le dynamis ou le kratos ou l'exousia ou l'autorité. C'est l'iscus. Fortifiez-vous par sa force toute-puissante. Là, c'est l'iscus. Donc, je termine mon message juste en priant pour vous. S'il y a un peu de louange, c'est bien. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Mais juste, fermez vos yeux. Et on veut juste s'ouvrir aux cinq puissances de Dieu maintenant. Et en tant qu'Église, on ne va pas en choisir une. En tant qu'Église, on veut vraiment favoriser la manifestation de ces cinq puissances. Et puis peut-être qu'en tant qu'individu, tu es appelé à agir et à exercer dans le dynamis. Peut-être c'est l'exousia, l'autorité. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément prier pour des malades, voir les gens tomber, les gens rire. Ce n'est pas des manifestations pour toi, mais il y a comme une autorité. Dans les lieux où tu te trouves, tu transmets l'autorité. Peut-être que pour toi, c'est l'énergia, l'énergie divine, la présence. Tu travailles avec la présence de Dieu, tu sens la présence de Dieu et tu communiques comme l'odeur. La présence de Dieu envahit les lieux où tu passes. Peut-être que toi, c'est le kratos, la domination. Tu as des idées créatives pour le. Tu veux travailler dans le milieu des médias, tu veux travailler dans le milieu des enfants, des réfugiés, le milieu associatif, le milieu politique, le milieu des finances. Et Dieu veut te donner des idées. Il veut exercer au travers de toi la domination du royaume de Dieu, qui est supérieur au royaume de ce monde. Comme le prophète Daniel a été utilisé. Lui, il a utilisé Kratos. Il a servi Babylone. Et à la fin, le roi de Babylone a reconnu l'Éternel comme son Dieu. Parce qu'il y avait une faveur de Dieu sur le Kratos qui se manifestait au travers de Daniel. Et peut-être que tu es un encourageur, une encourageuse. Tu es appelé à communiquer la force. Moi, j'ai ça. J'ai l'iscus. J'ai cette capacité, je sais que j'ai ça. Je rentre dans un lieu, je transmets la joie, le positif, l'enthousiasme. C'est pas qu'une question de technique, c'est pas quelque chose de, vous voyez, ah ben Greg, il est extraverti. Non, je sais que j'ai excuse. Dieu me l'a donné. Et je transmets ça, je sais, je sens cette force. Quand je parle, quand je prie, quand je parle aux gens, pouf, je sens cette force venir sur eux. Et les gens m'apprécient même pour ça. Les gens veulent collaborer avec moi pour ça. Parce que j'ai l'excuse, je l'ai. Et je le développe, je porte cette odeur en moi. Mais toi, tiens, l'Église Transformation reçoit ces cinq odeurs, mais j'aimerais te laisser cinq, peut-être pas cinq minutes, mais quelques minutes, quelques secondes, juste pour aspirer la puissance de Dieu. D'abord, Seigneur, on se repent d'avoir limité la puissance de Dieu. Parce qu'on a été enseigné de manière réductrice, on a eu des enseignements, des théologies réductrices, et on a limité la puissance de Dieu. Et on fait sauter maintenant ces limites maintenant au nom de Jésus. On se repent, Seigneur, parce qu'on a toujours... On pensait que la puissance de Dieu elle venait du ciel et on comprend qu'elle est en nous déjà. On se repent, Seigneur, d'avoir cru cette fausse croyance. Et maintenant, Seigneur, on s'engage à répandre la bonne odeur en tout lieu. La bonne odeur du royaume. On te remercie pour l'autorité, la puissance, pour l'autorité, la domination, l'énergie et la force qui est transmise à chacun d'entre nous maintenant au nom de Jésus. On l'active. Enfin, c'est déjà transmis, mais maintenant on l'active. On l'active maintenant, en tout lieu, dans nos familles, dans nos villes, dans notre église, dans les différents espaces professionnels et relationnels où nous sommes, au collège comme au lycée. Nous prions maintenant pour que la puissance, l'énergie, la domination, l'autorité, la force divine se manifestent au travers de nous. Tu fais de nous des faiseurs de miracles. Et je prie que nous soyons comme les disciples étonnés. Dire, mince alors, même les démons nous obéissent en ton nom. Viens nous étonner au nom de Jésus. Viens nous inspirer, Seigneur, des actions d'évangélisation pour remplir l'Église. Pour qu'un grand nombre, Seigneur, de on veut pas juste être venir au culte et pour nous, mais Seigneur, on veut aussi utiliser le culte comme un lieu et les soirées connexion comme des lieux, Seigneur, où on invite les gens à découvrir la puissance de Dieu. On te remercie pour tous les monsieur Alvarez que tu mets devant nous, toutes ces personnes qui ont des besoins particuliers, pas forcément spirituels, mais des besoins auxquels tu vas répondre au travers du dynamis, du kratos, de l'énergia, de l'exousia et de l'excus qui est sur nous, qui est en nous. On l'a reçu, mais maintenant on s'engage à l'activer au nom de Jésus. Soyez remplis de cette vérité maintenant. Soyez remplis de cette vérité au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Soyez libérés des craintes, des fausses croyances, des fausses théologies au nom de Jésus. Et recevez maintenant cette vérité et agissez selon cette vérité maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit.